Je vois des couleurs, des jardins de fleurs. Je vois des lumières plus belles que la terre. Je vois des couleurs, des jardins de fleurs. Je vois des lumières plus belles que la terre. Je rêve la nuit quand je dors. Je vois des images, des étoiles, même des météores. Je rêve la nuit quand je dors. Je vois des images, des étoiles, même des météores. Même des météores. Je vois mes peluches me tendre la paluche. Je vois mon nounours qui veut faire la course. Je vois mes peluches me tendre la paluche. Je vois mon nounours qui veut faire la course. Je rêve la nuit quand je dors. Je vois des images, des étoiles, même des météores. Je rêve la nuit quand je dors. Je vois des images, des étoiles, même des météores. Même des météores. Je vois ma maman qui m'aime tendrement. Je vois mon papa me prendre dans ses bras. Je vois ma maman qui m'aime tendrement. Je vois mon papa me prendre dans ses bras. Je rêve la nuit quand je dors. Je vois des images, des étoiles, même des météores. Je rêve la nuit quand je dors. Je vois des images, des étoiles, même des météores, même des météores. La la, la la la, la la la la la, la la la la la. La la la la la, la la la la la, la la la la la. Je rêve la nuit quand je dors. Je vois des images, des étoiles, même des météores. Je rêve la nuit quand je dors. Je vois des images, des étoiles,